Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Mi-Science Impossible. Notre mission, c'est de vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Qui sommes-nous ? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, vous la connaissez. Elle est présente à Nancy depuis 1887 et elle se situe près de la pépinière. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe. Chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors, j'espère que vous êtes prêts à passer un moment de science en notre compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour la 14e émission de Mi-Science Impossible en compagnie de trois chroniqueurs qui sont... Thibaut. Salut à tous. David. Bonjour. Et Axel. Salut. Donc pour commencer cette émission, je vais proposer à Thibaut de commencer sa chronique sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait pas mal débat en ce moment, donc qui est pas mal présent dans l'actualité, notamment au cœur de la campagne présidentielle. Certains candidats y sont largement favorables tandis que d'autres le considèrent comme une menace importante. Comme Laurie vient de vous le dire, je vais vous présenter le nucléaire et le fonctionnement du centrale nucléaire plus précisément. C'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant et qui fait écho à une chronique que j'avais faite il y a quelques semaines déjà sur les terres rares qui sont très utilisées dans les énergies renouvelables, donc c'est également des énergies qui sont très prônées par certains candidats. Donc avant de commencer, je me permets de préciser que cette chronique n'est pas du tout dans le but de vous faire changer votre vision de l'énergie et du nucléaire, mais plus simplement de vous informer et voilà, de vous mettre un petit peu au courant de comment ça marche et de ce qui se passe dans une centrale nucléaire concrètement. Alors, quelques chiffres pour débuter. Il faut savoir qu'en France, il y a 18 centrales nucléaires et 56 réacteurs actuellement utilisés. Et donc je me tourne vers vous, chroniqueur, et vers toi, Laurie. Est-ce que vous connaissez la part d'énergie française assurée par le nucléaire ? C'est-à-dire, en termes de pourcentage. Bon, ça doit être, à mon avis, 50 à 60%. Moi, je dirais quand même moins. Autant, tu penses ? Facilement, ouais. Moi, je dirais 40. 30, moi, j'aurais dit. Et bah, en 2019, c'était 71%. Donc, c'est quand même l'énergie largement majoritaire, puisqu'à titre indicatif, la deuxième énergie la plus importante, c'est l'hydraulique, avec 11%. Ouais, plus de 6 fois plus. Mais rentrons dans le vif du sujet. En fait, une centrale nucléaire est constituée de 3 circuits d'eau complètement indépendants, les circuits primaires, secondaires et tertiaires. La matière première indispensable à son fonctionnement, c'est l'uranium, qui est présent sous forme de pastilles dans notre cas. Ces pastilles sont superposées les unes sur les autres et forment des espèces de cylindres. Plusieurs de ces cylindres sont immergés sous l'eau, et l'idée est de venir bombarder de neutrons les atomes d'uranium. En fait, les neutrons, ce sont des particules chargées électriquement neutres, et c'est comme si vous envoyez plein de petites billes sur vos atomes d'uranium, et avec une vitesse très importante. Les atomes d'uranium vont se casser, et en se cassant, ils vont libérer énormément de chaleur qui va chauffer l'eau qui les entoure. Donc l'eau va se chauffer peu à peu, et elle va rester liquide dans le réacteur, puisqu'il y a un régulateur de pression qui permet de maintenir la pression très élevée. Donc comme ça, l'eau reste liquide, et elle ne passe pas à l'état de vapeur. Cette partie constitue le circuit primaire et doit être surveillé avec grande précaution. Pour cela, il existe différentes pratiques dont je ne détaillerai pas le principe et le fonctionnement ici par faute de temps. L'eau ayant été chauffée va être transportée jusqu'à l'eau du circuit secondaire qui va à son tour être chauffée par l'eau chaude. Une partie va passer à l'état de vapeur qui va pouvoir entrer dans une turbine et entraîner par la suite un alternateur et ainsi assurer la production d'électricité. Si vous ne voyez pas concrètement ce que c'est une turbine, vous pouvez imaginer un ventilateur que vous utilisez dans votre chambre quand il fait chaud l'été. La vapeur d'eau arrive avec une très forte pression et du coup, elle va mettre en marche les pales de votre ventilateur. Et c'est justement le fait de mettre en action les pales de votre ventilateur qui va permettre la production d'électricité, qui est ce qu'on souhaite avec une centrale nucléaire. Mais vous vous doutez que l'objectif d'un procédé, c'est toujours d'être le plus performant et le plus rentable possible. Donc pour cela, on doit l'optimiser. Dans notre cas, la vapeur ayant été produite précédemment qui permet d'actionner les turbines, elle va être à nouveau liquéfiée pour obtenir de l'eau liquide. Et ici, c'est là que le rôle du circuit tertiaire intervient. Pour faire simple, de l'eau froide est puisée dans une rivière ou un cours d'eau situé à proximité de la centrale nucléaire et elle va refroidir la vapeur d'eau chaude. La vapeur d'eau chaude va donc repasser à l'état de liquide et va pouvoir être réinsérée dans le circuit secondaire et elle va ensuite être chauffée à nouveau par l'eau chaude du circuit primaire et va donc redevenir de la vapeur et ainsi de suite, refaire marcher les turbines et reproduire de l'électricité. Donc c'est vraiment un procédé cyclique. Et concernant l'eau de la rivière, donc elle est puisée directement dans la rivière ou dans un cours d'eau situé à proximité de la centrale nucléaire, Et évidemment, elle est réchauffée au contact de la vapeur d'eau chaude et on ne peut pas la rejeter comme ça dans la rivière dont elle provient. On ne peut pas rejeter une eau dont la différence de température est trop importante. Donc pour cela, on la fait passer dans une tour de refroidissement donc, qui, comme son nom l'indique, refroidit l'eau. Et ensuite, on peut la réinjecter comme ça dans la rivière parce que si on la rejette trop chaude, ça ferait des dégâts importants sur la biodiversité. Donc ça poserait beaucoup de problèmes. Donc, comme je vous l'ai dit au début de ma chronique, le nucléaire est aujourd'hui au cœur d'un débat très important, puisqu'il possède des avantages et des inconvénients. En effet, l'uranium nécessaire à son fonctionnement provient de l'étranger, donc essentiellement du Niger en Afrique, donc il faut l'importer, ça a un coût et l'extraction est très polluante, et doit subir de nombreuses transformations avant de pouvoir être utilisé, puisqu'on ne peut pas utiliser l'uranium pur tel quel dans les centrales nucléaires. Et évidemment, comme tout le monde le sait, il y a eu des catastrophes nucléaires avec des conséquences très importantes par le passé. Et donc évidemment, certaines personnes peuvent y être réticentes à son fonctionnement. Mais d'un autre côté, c'est une technologie très bien connue et très bien maîtrisée en France, qui est viable économiquement et énergétiquement, et qui surtout possède l'avantage majeur d'être décarbonée. Donc ce qui en fait voilà, un atout majeur quand on sait qu'on doit diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement climatique. Merci Thibaut pour ta chronique sur les industries et grâce à toi, on est actif à la radio. Maintenant, on va enchaîner sur la chronique d'Axel qui va nous parler de luminescence. Alors, fête d'anniversaire avec des amis, le champomis coule à flot, la musique est assourdissante et moi, je brille dans la nuit. Je pourrais aller danser avec les autres, mais non, je préfère me focaliser sur un concours puéril de celui qui porte le plus de tubes luminescents. Vous en avez tous déjà vu, des tubes que l'on porte comme des bracelets, des colliers et qui brillent dans la nuit. Mais est-ce que vous avez une idée de comment ça marche ? Pas du tout, honnêtement, non, je sais pas. Je sais pas, peut-être un truc avec la fluorescence, mais je sais pas, ça me paraît trop... Je sais pas, non, je pense pas, ouais, non, je sais pas, c'est vrai. Bah, moi, je pense que... Enfin, j'ai pas d'idée précise, moi, je suis plus sur le côté biologique du truc, mais effectivement... Toujours la biologie, Laurie. Oui, désolée, mais non, du coup, je sais pas exactement comment ça se passe. Alors, moi j'ai appris des choses justement en faisant cette chronique et du coup je vais essayer à mon tour de vous l'expliquer. Alors sans surprise, c'est une réaction chimique qui est à l'origine de la luminescence de ces petits tubes. C'est une réaction exergonique. Alors c'est un mot bien compliqué pour expliquer que de l'énergie est libérée. Je ne pose pas la question à mes chroniqueurs qui à mon avis ne sont pas surpris de m'entendre parler d'une énergie libérée lors d'une réaction chimique, mais pour vous qui m'écoutez, je vais tout vous expliquer, ne vous en faites pas. En fait, quand vous avez une réaction chimique, vous avez votre système qui est composé de vos réactifs. Ce système, il possède une certaine énergie en lui, comme le gasoil qui possède une certaine énergie et qui est libéré lorsqu'on le brûle. Et au cours de la réaction, de l'énergie est consommée ou est fournie. En général, cela se passe par une élévation de la température ou une diminution de la température. C'est le même principe qu'un radiateur. On consomme de l'énergie et on produit de la chaleur. Et bien dans nos tubes luminescents, vous avez pu remarquer que le tube ne se met pas à refroidir ou ne chauffe pas, sinon ce serait même dangereux. Mais pour consommer cette énergie, la réaction, elle émet un photon qui n'est autre qu'une particule qui transporte la lumière. Maintenant que vous avez compris comment le bâton émettait de la lumière, je vais vous expliquer comment les industriels contrôlent la durée de vie des bâtons ainsi que leur luminescence. Alors tout simplement, cela dépend de la concentration des réactifs qui sont utilisés pour faire la réaction. En général, on a une réaction entre de l'oxalate de diphényl, un catalyseur, son rôle étant de favoriser la réaction chimique, et du peroxyde d'hydrogène, que vous connaissez probablement mieux sous le nom de eau oxygénée. Maintenant, vous devez sûrement vous demander comment ça se fait que la réaction ne se fait que quand on craque le tube. Et bien tout simplement, les produits sont séparés par une petite couche de verre et en tordant le tube, les réactions sont mises en contact. Et en tordant le tube, les réactifs sont mis en contact et la réaction commence. Bon, et je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la rumeur selon laquelle en congelant notre tube, on pourrait de nouveau l'utiliser. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi ça me dit vaguement quelque chose, enfin j'avais complètement oublié mais maintenant que t'en reparles c'est vrai que... Moi, j'en ai absolument jamais entendu parler. Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait faux. Enfin, pas vraiment, mais du coup, je vais vous expliquer. Tout simplement, comme de nombreuses réactions, celles-ci se font plus vite et sont plus fortes quand la température augmente. Ainsi, en été, le ballon sera lumineux moins longtemps mais brillera plus, et à l'inverse, en refroidissant, la réaction est ralentie. Eh bien, un bâton lumineux que vous utilisez, si vous le mettez au congélateur pendant qu'il est encore brillant, vous pourrez l'utiliser de nouveau le lendemain en le sortant du congélateur. Tout simplement, vous avez stoppé la réaction et celle-ci se relance dès qu'on arrive à température ambiante. Bien entendu, en congelant le tube, vous risquez de le déformer et il risque de se casser. Et malheureusement, ces produits sont toxiques, comme le phénol qui est produit lors de la réaction. Et même pour certains tubes, on a des produits qui sont cancérigènes. Alors évidemment, si vous êtes en contact avec ce genre de produit, je vous invite à vous rincer abondamment. Mais surtout, jetez proprement ces tubes après utilisation car ce sont de gros polluants. Merci Axel pour ta chronique, elle nous a beaucoup éclairé quant au principe de fonctionnement de l'électroluminescence. On va maintenant se laisser sur la musique Neon Light de Demi Lovato et on se retrouve juste après. Be still my heart, freaking out, it's freaking out, right now, shining like stars, cause we're beautiful, right now, you're all Vous êtes de retour sur Radio Faljet dans l'émission Mission Impossible. Si vous nous rejoignez, nous avons pu entendre deux chroniques de Thibaut et Axel. Si vous souhaitez les entendre ou les écouter à nouveau, vous pouvez les retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou YouTube. Alors maintenant, il nous reste une dernière chronique qui sera présentée par David et elle parle des forces centrifuges, je pense, et centripètes si je ne me trompe pas. Du coup, la parole revient à David. Merci. Alors, vous êtes peut-être au courant, mais en ce moment, il y a la foire attractive de Nancy. Alors moi, personnellement, j'y suis allé plusieurs fois et il y a vachement de trucs. Il y a plein de manèges à sensations fortes. Alors, non pas que j'aime ça, mais comme pour les lunettes 3D, je vais devoir parler de culottes sales. Parce que moi, quand je vois des loopings comme ça, ça me donne qu'une envie, l'envie d'avoir envie. Enfin bref, moi j'ai toujours eu peur de m'écraser comme un vieux camembert coulant au sol quand je faisais une attraction, alors... Mais il y a forcément des phénomènes physiques qui nous empêchent de finir en compote. Alors, pour décrypter tout ça, va falloir que je parle de force physique. Tout d'abord, tout le monde connaît la force gravitationnelle. C'est celle qui nous attire vers la Terre et qui nous ferait penser qu'en premier lieu, si on n'avait pas les ceintures dans les grands 8, on serait à ramasser à la paille. Oui, je réinvente des expressions comme ça. Bref, celle-là, elle est bien connue. La force. Après, je vais aussi parler de forces dont vous connaissez le nom. C'est les forces centrifuges et centripètes. Je vais faire la blague tout de suite, comme ça on sera débarrassé. Centripètes, qui pue qui pète. Voilà, maintenant je vais pouvoir être concentré. Alors c'est quoi ces deux forces? Imaginez une essoreuse à salade. Bon bah, quand vous tournez vite, votre salade, elle se colle à la paroi. Et elle s'y colle sous l'action de la force centripète, ou centrifuge. En fait, la force centripète, c'est la force qui tend à aller vers le centre du cercle. Et la force centrifuge, c'est la force opposée, donc celle qui l'éloigne du centre du cercle. Maintenant, tout est relatif. C'est une question de point de vue. Pour nous, êtres humains, si on se place à l'extérieur, on voit bien que la salade pourrait avoir une trajectoire toute tranquille, mais la force centripète amène la salade à avoir une trajectoire circulaire. Maintenant, imaginons que nous soyons une feuille de salade. Je pensais pas dire ça un jour, mais bon. Eh bien, pour nous, on aura l'impression d'être collé à la paroi et de subir la force centrifuge. Eh bien, c'est pareil pour les montagnes russes. Par contre, il faut que la force centrifuge ou centripète soit plus importante que la gravité. Sinon, bye bye. Et on fait ça en augmentant la vitesse du chariot. Plus la vitesse est grande, plus on augmente la force centripète ou centrifuge. Plus on est collé à la paroi ou au siège, et donc moins on tombe. Cette force, elle n'est pas utilisée que pour provoquer des grands frissons ou pour enlever l'eau de la salade. Mais elle est aussi utilisée dans la vie de tous les jours, comme dans les industries. Est-ce que les chroniqueurs, vous avez une idée d'utilisation de la force centrifuge ou centripète dans l'industrie ou dans la vie de tous les jours? Une utilisation? Oui. Quand est-ce qu'on utilise la force centrifuge? Bah, dans les machines à laver, par exemple. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais. Non, j'ai pas d'autres idées, mais ouais. D'autres idées? Merci, Laurie. C'est avec plaisir. Elle cherche un truc en rapport avec la biologie, elle a pas trouvé. Triste. Et pourtant. Alors, elle est bien évidemment utilisée pour les machines à laver, comme tu l'as dit, Axel. Et bah c'est là aussi la force qui est présente quand on prend un virage dans une voiture. Mais on peut aussi l'utiliser, par exemple, pour séparer des composés qui sont mélangés s'ils ont une différence de masse. Par exemple, plus le composé est lourd, plus il ira vers la paroi. Ainsi, si on penche notre récipient au maximum, la paroi deviendra le fond du récipient et les particules les plus lourdes se retrouveront au fond. Par exemple, dans l'industrie laitière, on peut séparer la crème du lait par centrifugation. Ou encore dans l'industrie nucléaire, comme tu l'as dit Thibaut, pour séparer le combustible d'autres particules, et ainsi on augmentera son efficacité. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à deux mains et d'aller faire des attractions. Merci David pour ta chronique, elle nous a bien retourné la tête. On va maintenant passer à votre séquence préférée, donc la séquence jeu. Je vais essayer d'être à la hauteur de vos attentes, contrairement à d'habitude. Alors, on va parler un peu d'industrie nucléaire, si vous le voulez bien. À votre avis, quelle est la date du premier réacteur nucléaire? Oh, ça devait être pendant la guerre. Tic-tac. Donc, en France ou n'importe où? Dans le monde, je sais plus si tu l'as précisé, pardon. Dans le monde. Ok. Moi, je vais dire 1935. Ouais, moi, je suis d'accord avec ton idée sur la guerre. C'est à peu près par là, je pense. Moi, je dirais un peu plus tard. Mais en 35, il n'y avait pas de guerre, par contre. Mais... ouais, ouais, non, je sais, mais en fait, je me dis que s'ils ont réussi à faire une bombe, ils devaient déjà maîtriser le nucléaire avant. C'était la période où ça allait partir en cacahuète. Du coup, c'est quoi ta réponse? Pardon, oui. À part les cacahuètes? Moi, je dirais, je sais pas, 1950, un peu plus tard que les autres propositions. 50, tu m'as dit combien déjà? 35. 35, et David, tu t'abstiens? Oui, je m'abstiens sur ça. Tu t'abstiens de toute réponse? Tu connais la réponse? Oui. Mais il n'y a pas à connaître toutes les réponses alors que c'est pas toi l'animateur. Excuse-moi. Il est cultivé, c'est comme ça. du coup, c'est Thibaut qui est le plus proche, oh, puisque c'est 1942. Je pense que c'est le plus proche. De pas beaucoup. Ouais. Bah non, c'est moi. Ah non, c'est... Attends. Oh 5, non 6, oh non, je suis abattu. Ah, attends, année. Je veux pas te c'est... Oh la disaster class, j'étais trop... Oui, bon, t'as raison, c'est Axel, pardon. Et du coup, c'était où c'est immonde. J'en ai... Je sais pas. Ah. Hop, on annule le point. À Chicago, je crois. C'est vrai? Oui, écoutez, il semble ça à Chicago. Ok, d'accord. C'est l'homme qui okay. sait. Donc, ensuite, je vais poser une autre question. Alors, moi, je vais parler des vers luisants parce que j'adore la biologie. On parle de luminescence, n'est-ce pas, Axel? Oui. Du coup, est-ce que vous savez quel est l'autre nom du vers luisant? Alors, j'ai plusieurs propositions pour j'ai vous. J'ai eu peur. Pardon. Mais... j'ai cru que t'allais nous demander c'est quoi l'autre nom. Allez, hop. Le nom en latin, allez. Non, j'ai des propositions. Alors, c'est soit les lampyres, parce que ça vient du grec lampo qui veut dire briller. Ah, il y a une explication. Eh oui, allez, attends. Vas-y. Soit c'est les lumenis qui vient du latin et qui veut dire lumière. Soit c'est les solenés qui vient de l'italien sole qui veut dire soleil. Donc, à vous de faire vos choix. Mais en fait, je ne sais pas si les insectes, on utilise plutôt des mots latins ou des mots grecs. Je crois que dans tous les cas, il n'y a pas de truc grec là. dans les propositions, non? Bah si, elle a dit... Le premier est grec. Ok, j'ai rien dit. Oh là là. Moi, il me semble que c'est toujours latin. Enfin, les arbres, les plantes. Moi aussi. Moi, je dirais latin. Le deuxième, c'était le latin. Ouais. C'était quoi? Lumenis? Je sais plus. Lumenis. Les Lumenis qui vient du latin. Moi, je dirais ça. Moi, je dirais que c'est elle qui l'a inventé. Parce qu'elle a fait du latin. Et du coup, je vais dire. J'ai fait du grec aussi. Je veux dire l'italien, du coup. L'italien? Ouais. Oh là là. Ce retournement de situation incroyable. Attention. Eh bien, je vais faire comme David dans les émissions. Vous aurez la réponse après la pause musicale. Donc, on se laisse sur You Spin My Head de Florida. Hop in that window, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Gucci, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin'. It's patting up Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goodie power. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet dans l'émission Mission Impossible. Si vous nous rejoignez, nous avons pu entendre trois chroniques de David, Axel et Thibaut. Si vous souhaitez les entendre ou les écouter à nouveau, vous pouvez les retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou YouTube. On va donc continuer avec notre jeu et donc on s'est arrêté à la question « Quel est l'autre nom du ver luisant ?» Donc les trois propositions c'était les lampyres, les luminis ou les solennés. Et donc, il me semble que ça partait sur les luménis ou les solennés, c'est ça? C'est ça. Ouais. De luménis et un solenné. Un solenné, ouais. Tout de suite, le cocktail arrive. Donc, la réponse, c'était... La première, c'était les lampyres. C'est une blague. C'est une blague. Le lampyre ou le ver luisant. Voilà. Je suis dégoûté. Ouais, moi aussi. Tristesse. On va dire pleurer. On n'est pas des lumières. En vrai, elle est pas mal. Ouais, ouais. Ok, donc, David, j'ai un peu eu de mal à trouver des anecdotes sur la France centrifuge, j'avoue. Ah bon? Oui, enfin, j'ai une anecdote, mais qui n'est pas une question. Mais du coup, j'ai pas trouvé de question. Mais j'ai rien compris. Moi non plus. En gros, là, juste une anecdote. J'ai une anecdote. Père Castor. Eh bien, est-ce que vous saviez, en 1965, il y a deux inventeurs américains qui ont eu l'idée de breveter une machine qui va permettre d'aider les femmes à accoucher. Et cette machine, elle utilise la force centrifuge. Et en fait, le principe... Ça me rassure pas de ouf. C'est qu'une femme, elle est placée sur une table qui tourne à grande vitesse. Quoi? Et grâce à la force centrifuge, ça va aider le bébé à sortir, en fait. Ouais, c'est mon histoire de séparation des particules. Il y a moyen de dégueuler avec des trucs comme non, mais... ça. Mais ça veut dire que cette technique n'a pas été conservée au fil du temps. C'est bizarre. Mais là, ça veut dire que c'est comme si t'as accouché, sauf que... Au lieu d'être sur un truc plat, on te fait tourner en même temps. Enfin, ouais, la c'est dame la force centrifuge qui aide le bébé à sortir. Ouais, mais ça n'a pas été gardé, on se demande pourquoi. Voilà. Mais il y a marqué, à ce jour, il semblerait que personne n'ait encore tenté l'expérience. De toute façon, mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il faut que ce soit toute la pièce qui tourne. Parce que ça veut dire que si la meuf, elle tourne... Mais elle est attachée, j'imagine. Mais comment il fait comment elle fait la sage-femme pour l'aider à coucher? Elle court à côté, genre, il y a un gros sac. Il y en a quatre sur chaque. Je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été testé aussi. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment des gens... Vraiment des femmes qui ont accouché comme ça ou ça a juste non, été non, ça n'a pas été testé. Okay. Ça a été breveté, mais okay. Ça n'a pas été testé. Est-ce que... Je ça a dû être testé sur des animaux, quand même. J'imagine. Mais sur les hommes, non. Un petit kangourou. Okay. C'est pas... Donc, si on revient un peu sur le nucléaire de notre ami Thibaut. Est-ce que vous savez combien il y a de réacteurs nucléaires qui fonctionnent dans le monde ? Ah, dans le monde ? Ah oui, en France, c'est trop simple. Ah, alors, réacteur ou site industriel ? Enfin, site... Réacteur nucléaire. Parce que réacteur, du coup, en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit, il y en a 56 en ce moment, enfin, actuellement. Donc, ouais. Voilà. Pour... Et après, en France, si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'on est les plus développés en termes de... Ouais. Donc, bah... à notre échelle, hein, je veux dire. Donc, c'est-à-dire que... Oui, je pense que... Ouais. Moi, je vais... nucléaire, qui a des centrales. 56... Moi, je vais dire 300. 300. Qui dit plus ? Ouais, moi j'allais partir sur 1000, mais en fait je me dis c'est énorme parce que 1000 c'est énorme. Quasiment 20 fois, enfin c'est 20 fois 50. Je pense pas qu'il y ait 20 pays qui soient aussi, enfin je sais pas comment dire, aussi avancés que nous. Après, comme je sais pas, parce qu'il y en a en Afrique aussi, hein, des. Ouais, mais des je pense pas qu'ils en aient 56. Enfin, je sais pas. C'est difficile, ouais. Hein, comme question. 1000, ça me paraît beaucoup, je pense, ouais, de l'ordre de la centaine. Je dirais. Moi je vais dire 500, comme ça. Allez, 350. 350 ouais, d'accord. T'as dit combien toi ? 300. 300, 400. 500. Attends, il faut que je sois bonne en calcul. Parce que la bonne réponse, c'est 443. Donc j'imagine que c'est David. David qui est plus proche. Ah bah tu... Félicitations, David, tu gagnes un point. Merci. Franchement, c'est bien. Donc je vais faire une dernière petite question. Et ce sera bon, je pense. Donc, si on revient sur le ver luisant, parce que je l'adore ce petit ver. J'ai l'impression, ouais. Alors, donc vous imaginez bien que, vu son nom, il fait de la luminescence. À votre avis, c'est pourquoi il fait de la luminescence ? Alors, je vais essayer de vous... Vous allez essayer de trouver tout seul et sinon, je vous donnerai des propositions. Comme des grands. Parce que quand je vous donne les propositions, c'est plus simple. Ouais, enfin, on a quand même pas trouvé la dernière fois. Hein. Entre Illuminis et Solénée, on a tous eu faux. Est-ce que c'est parce qu'il mange un truc ? Alors, je vais vous donner des propositions, parce que je vois que... Ah ouais, donc en fait... Vas-y, réfléchis. Non, on est tout de suite catalogués au rang de grenasse, quoi. Genre, ça y est, David a dit une mauvaise idée, ça y est, hop là, tous dans le même panier. C'est pas une si mauvaise idée que ça. Peut-être qu'Axel a une idée lumineuse, tiens. Oh là là. Moi, j'aurais dit pour, je sais pas... Non, j'allais dire une bêtise, là, non. Alors, il y a pour se protéger, pour... Ah, mais d'accord. J'avais pas compris la question. Mais vous pensez que c'était quoi ? Mais c'est comment, ça ? Non, quel est le mécanisme ? Je demande pourquoi, je demande pas comment. Pourquoi ? Ah, j'avais pas compris la question. Dans quel but ? Dans quel but ? Moi j'avais compris. Je peux avoir un point, j'avais compris la question. Merci Thibaut. Donc c'est pour se protéger, pour se reproduire ou pour se nourrir ? Ah, moi je pense que c'est pour se nourrir, parce que ça doit attirer les insectes. Ah, oh, mais le ver luisant est un insecte. Oui, sais. Mais je veux dire, enfin, les autres, ceux qui mangent quoi. Ah oui. Enfin, je sais pas si ça mange des insectes. Moi je dirais pour se reproduire. En plus, c'était un peu ça mon idée. Bon, ça se trouve, c'est pas du tout la bonne réponse, mais j'avais un peu pensé à ça au début. Ouais, c'est ça. Moi je vais dire la première. Pour se protéger. Pour se protéger. Donc vous dites toutes une réponse différente. Il faut toujours. Et en fait, c'est la réponse D, bam. C'est la réponse D. Non, c'est Thibaut qui a raison. C'est pour se reproduire. Parce que la femelle, en fait, elle diffuse une lumière fluorescente qui attire les mâles. Oh, mais c'est ce que je voulais dire en plus. Enfin, dans l'autre sens, plutôt le mâle qui attire la femelle, mais... Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soucis en ce moment à cause des néons. À cause des lampadaires et des néons, ça perturbe la reproduction des vers luisants parce que les mâles sont attirés vers les lampadaires et il n'y a pas de femelles là-bas. Donc, ouais, merci Laurie, maintenant on pourra briller en société. Ah, elle est pas mal. Il serait temps d'arrêter les... C'est la dernière autorisée là. Avant on n'avait pas la lumière à tous les étages. Ça suffit. On en a fait une chacun. Hop. Bon, je pense qu'il est temps. Mais du coup, vu que c'était la dernière question, hop, 10 points, j'ai gagné. Moi je dis que Thibaut a gagné parce qu'il a compris ma question déjà. Merci Laurie. Et il a eu juste. Il a compris ma question et il a eu juste. Donc je suis obligée de lui donner. Voilà. Et en plus, c'est une petite question de bio. Donc hop, encore un. J'attends la bio. Donc on va se laisser sur cette note positive de la victoire de Thibaut. J'espère que vous avez passé une très bonne émission. Bof. Et. Je parle pas pour toi, Axel. Ah, pardon. Je parle pour les auditeurs. Mais si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Fadjet. Ou sur YouTube en podcast. Donc merci à tous et bonne fin d'après-midi. Ciao ciao, bisous. Ciao. Bisous.